إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc aujourd'hui le 12e cours des annulatifs de l'islam de Cheikh Mohamed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala expliqué par le noble Cheikh Mohamed bin Omar bin Salim Bazmoul hafidahullah ta'ala. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je propose qu'on reprenne dès le début la parole du 21e. Parce qu'il y a plusieurs semaines entre la première fois qu'on a commencé cette parole du 21e, et on était dans le cadre de ce qu'on appelle un tawassul. Et le 21e, pour les frères qui ont la même édition que moi, c'est page 96. قال ابن تيمية رحمه الله وأما من يأتي إلى قبر نبي أو صالح أو من يعتقد فيه أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك ويسأله ويستنجده فهذا على ثلاث درجات إحداها أن يسأله حاجته مثل أن يسأله أن يزيل مرضه أو مرض دوابه أو يقضي دينه أو ينتقم له من عدوه أو يعافي نفسه وأهله ودوابه ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهذا شرك صريح أن يجب أن يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل وإن قال أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني ليشفع لي في هذه الأمور لأني أتوسل إلى الله به كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه فهذا من أفعال المشركين والنصارى فإنهم يزعمون أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم شفعاء يستشفعون بهم في مطالبهم وكذلك أخبر الله عن المشركين أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقال سبحانه وتعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وقال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه Donc Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit quant à celui qui se rend la tombe d'un prophète ou d'un vertueux ou celui qui croit que cette tombe est la tombe d'un prophète ou d'un homme vertueux, alors que ce n'est pas le cas, et lui demande assistance, cela est alors de 3 degrés. On va le reprendre tous aujourd'hui, comme ça on garde le fil, Inch'Allah. Le premier, qui lui demande ce dont il a besoin, comme lui demander de faire disparaître sa maladie, ou la maladie de ses bêtes, ou de s'acquitter de sa dette, ou de le venger de son ennemi, ou de le guérir lui-même, ou sa famille, ou ses bêtes, et d'autres choses parmi les choses que seul Allah a la capacité de faire. Mais vous êtes capable de redonner la réponse, c'est quoi ça? Il a dit, le shirk ici, c'est shirk sarih, c'est une association qui est claire. Il est obligatoire d'ordonner à celui qui l'a commis de se repentir, il se repent ou il est exécuté. Alors ici, par rapport au fait d'exécuter, vous allez voir sur le PDF, j'ai fait une petite note de bas de page, Inch'Allah, normalement il sera en ligne peut-être ce soir ou demain, que quoi que ce genre de sentences, elles ne sont décrétées et appliquées que par les gens qui détiennent le commandement. Ça, c'est important de faire ce point-là, d'accord? Et c'est fait dans un cadre judiciaire, avec un juge en islam qui juge, etc. Hein, c'est pas, ça revient pas au particulier parmi les gens. Et on revient aussi à la khutbah d'Abu Khadija hier, hein, et à tous les bayans qui ont été faits sur le site Salafi Talk, etc. Mais vous verrez, Inch'Allah, le note de bas de page, donc c'est pas donné à n'importe qui. D'accord? Et on voit déjà le danger de mal comprendre la religion, de se mettre en avant, de faire des actions par ignorance, ou avec des chouboîtes, on voit à quoi ça peut amener en référence aux derniers incidents ici en Angleterre. Et, s'il dit, je lui demande car il est plus proche d'Allah que moi, afin qu'il intercède pour moi dans ses affaires, car je le prends comme moyen pour me rapprocher d'Allah, comme on utilise les aides et les proches du sultan pour se rapprocher de lui, alors cela fait partie des actions des associateurs et des chrétiens. Car ils prétendent qu'ils prennent leur rabbin et leur moine comme intercesseurs et ils leur demandent d'intercéder pour eux dans leurs requêtes. Et de même, Allah subhanahu wa ta'ala a informé au sujet des associateurs qu'ils ont dit, c'est dans la traduction du sens est, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Surat Az-Zumar verset 3. Et Allah dit, c'est dans la traduction du sens est, ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Dit quoi? Même s'ils ne détiennent rien et sont dépourvus de raison? Dit, l'intercession tout entière appartient à Allah, à lui la royauté des cieux et de la terre, puis c'est vers lui que vous serez ramenés. Surat Az-Zumar verset 43 et 44. Et Allah dit, c'est dans la traduction du sens est, vous n'avez en dehors de lui ni allié ni intercesseur. Surat Sijda verset 4. Et Allah dit, c'est dans la traduction du sens est, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Surat Al-Baqarah verset 255. Il a donc mis en évidence la différence entre lui subhanahu wa ta'ala et sa création. L'habitude des gens est de demander d'intercéder auprès des personnes importantes parmi eux à ceux qui sont honorés et qui donc, lorsque ces intercesseurs demandent, s'acquitte de leur demande, soit par désir, soit par peur, soit par pudeur, soit par amour, etc. Et personne ne peut intercéder auprès d'Allah tant qu'il n'en a pas donné la permission à l'intercesseur. Et donc il ne fait que ce qu'il veut. Et l'intercession de l'intercesseur est avec sa permission. Et donc quoi, toute l'affaire revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous ne dise certes pas « Oh Allah, oh Allah, pardonne-moi si tu veux, oh Allah, fais-moi miséricorde si tu veux. » On avait déjà dit que c'est une faute que certaines personnes font quand ils font dua, ils disent quoi ?« Inch'Allah ». On ne dit pas « Inch'Allah » quand on fait dua. Je sais, comme on l'a déjà dit, que des fois on a cette habitude-là, ou que par ignorance, parce qu'on ne sait pas, maintenant on sait, alhamdoulilah, qu'on fasse nasiha, on se fasse nasiha les uns aux autres. Mais des fois ça peut être par habitude, donc on essaie de se corriger et d'éviter de faire cela. Donc il a dit que l'un d'entre vous ne dise certes pas « Oh Allah, pardonne-moi si tu veux. Oh Allah, fais-moi miséricorde si tu veux. » Mais qu'il soit résolu dans sa demande, car personne ne contraint Allah. Il a donc mis en évidence que le Seigneur exalté soit-il fait ce qu'il veut et que personne ne le contraint à faire ce qu'il choisit comme l'intercesseur pourrait contraindre celui auprès de qui l'intercession est faite. Et comme le demandeur pourrait contraindre celui auprès de qui la demande est faite s'il insiste auprès de lui et l'unit par sa demande. L'aspiration doit être obligatoirement, n'être que pour qui? Que pour Allah. En arabe ici ça donnait « فَبَيَّنَ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ فَإِنَّ مِنْ عَادَةِ النَّاسِ أَنْ يَسْتَشْفِعُوا إِلَى الْكَبِيرِ مِنْ كُبَرَائِهِمْ بِمَنْ يُكَرَّمُ عَلَيْهِ فَيَسْأَلُهُ ذَلِكَ الشَّفِيعُ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ إِمَّا رَغْبَةً وَإِمَّا رَهْبَةً وَإِمَّا حَيَاءً وَإِمَّا مَوَدَّةً وَإِمَّا غَيْرَ ذَلِكَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدٌ حَتَّى يَأْذَنَ هُوَ لِلشَّافِعِ فَلَا يَفْعَلُ إِلَّا مَا شَاءَ وَشَفَاعَةُ الشَّافِعِ مِنْ إِذْنِهِ فَالْأَمْرُ كله له سبحانه وتعالى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. Donc c'est un hadith qui est متفق عليه rapporté par le Bukhari et Muslim d'après Abu Huraira رضي الله عنه وأرضاه. فبين أن الرب سبحانه يفعل ما يشاء لا يكره أحد على ما اختاره كما قد يكره الشافع المشفوع إليه وكما يكره السائل المسؤول إذا ألح عليه وآذاه بالمسألة فالرغبة يجب أن تكون إليه كما قال سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Donc ce point ici, il dit l'aspiration doit donc obligatoirement n'être qu'à lui, qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah a dit, c'est dans la traduction du sens est, quand tu te libères donc lève-toi et à ton Seigneur aspire. Surat al-Sharh verset 7 et 8. Et la crainte والرهبة تكون من الله كما قال تعالى وإياي فارهبون وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون وقد أمرنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء وجعل ذلك من أسباب إجابة دعائنا. Je crois qu'on s'est arrêté ici au dernier cours. On a juste rapporté une faïda de Cheikh Abdelrazzaq par rapport au dua. On va rapporter ça puis on va rentrer dans la partie qui nous intéresse plus aujourd'hui qu'on n'a pas faite en tout cas jusqu'à présent. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit et la crainte doit être envers Allah seul, comme Allah le Très-Haut a dit, c'est dans la traduction du sens est, et c'est moi que vous devez redouter. Surat al-Baqarah verset 40. Et Allah le Très-Haut a dit, c'est dans la traduction du sens est, ne craignons donc pas les gens, mais craignez-moi. Surat al-Ma'idah verset 44. Et il nous a donné l'ordre de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la vocation, et a fait que cela soit une cause pour que nos invocations soient acceptées. Là, on avait fait un point, on va le rapporter, que Cheikh Abd al-Razzaq, il a rapporté une parole de Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans Jala'u al-Afham. Cheikh Abd al-Razzaq, l'Abbad al-Badr, dit dans son livre, Fiqh al-Ad'iyati wal-Adkar. C'est un livre que je vous ai déjà conseillé, il fait deux gros tomes. C'est un livre très complet sur tout ce qui concerne l'Ad'iyya wal-Adkar, et tout ce qui tourne autour de l'Ad'iyya wal-Adkar. J'ai vu quelques copies à la Maktaba Salafia, je ne sais pas si on a encore, hein, mais c'est vraiment un ouvrage à voir, et c'est un ouvrage très très intéressant sur tout ce qui tourne autour de quoi ? De l'Ad'iyya wal-Adkar. Et d'ailleurs, le titre il est clair, Fiqh al-Ad'iyya wal-Adkar. C'est deux gros volumes que sur ce sujet-là. D'ailleurs, beaucoup de leçons que je donne aux enfants ici à Salafi School, dans la leçon de Dua, je les prends de ce livre-là. Cheikh Abd al-Razzaq al-Abbad al-Badr dit dans son livre, Fiqh al-Ad'iyya wal-Adkar, volume 1, page 444, il convient aux musulmans, avant d'invoquer, de prier sur l'ami intime d'Allah et son serviteur et son messager, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'incitation à faire cela est rapportée dans de nombreux hadiths, dont le hadith de Fadal ibn Ubayd Kalalagri qui dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme invoquer dans sa prière sans avoir prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui-ci s'est précipité. » Puis il l'appela et lui dit à lui et à autrui « Lorsque l'un d'entre vous prie, qu'il commence par louer Allah et faire les éloges d'Allah, puis qu'il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis après cela, qu'il invoque par ce qu'il veut. » Jugé authentique, c'est un hadith qui a été jugé authentique par Cheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami' numéro 648. Et cela à 3 degrés. Donc Cheikh, maintenant, il explique, il dit qu'il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant d'invoquer et après avoir loué Allah le Très-Haut, après avoir fait les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième degré, qu'il prie sur lui au début de l'invocation, en son milieu, et à sa fin, vous vous souvenez, on avait déjà rapporté ça. Troisième degré, qu'il prie sur lui, alayhi salatu wassalam, au début et à la fin de l'invocation, et qu'il fasse que sa demande soit entre les deux. La prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est pour l'invocation comme la clé. Et Ibn Qayyim a dit, rahimahullah, et c'est là qu'il va rapporter la parole dans Jalal al-Afham, la clé de l'invocation est la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme la purification est la clé de la prière. Puis il a rapporté d'Ahmed ibn Abi al-Hawra qu'il a dit « J'ai entendu Abu Sulayman al-Darani dire que celui qui veut demander à Allah ce dont il a besoin commence par la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et demande ce dont il a besoin et qu'il finisse par la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam car la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est acceptée et Allah est plus généreux que de refuser ce qui se trouve entre les deux. » C'est-à-dire prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voir Jala'u al-Afham d'Ibn Qayyim, page 260 et 262. Encore une fois, je vous recommande vivement ce livre de Cheikh Abd al-Razzaq et d'autres livres des Mashayikh sur ce qui concerne l'Ad'iyya wal-Adkar, parce qu'il y a beaucoup de conditions et de choses qui empêchent que la dua soit acceptée aussi, qu'on ne connaît pas. Et beaucoup d'adab aussi qu'on ne connaît pas. Et d'ailleurs, il s'attache à étudier les personnes spécifiques, hein, qui ont leur dua accepté, et les endroits spécifiques, et les temps spécifiques, etc. Donc c'est intéressant de savoir, et dua c'est très important, dua huwa al-ibada. Donc avec ça, on a fini cette parole d'Ibn Qayyim rahimahullah, et on a fini cette première partie qu'on avait vue ensemble de la parole d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans le cadre de l'étude de quel naqid Fani. Donc aujourd'hui, on voudrait terminer le deuxième naqid, pour que la fois prochaine, inshallah, on puisse commencer le troisième. Donc maintenant, Cheikh, il continue. Cheikh Mohamed Bazmoul, citant qui ? Toujours ? Hein ? Ibn Taymiyyah. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Toujours dans la parole d'Ibn Taymiyyah. C'est vrai qu'on cite, on fait le charh de l'annulatif qu'a rapporté Cheikh Mohamed Al-Wahhab, qui est le deuxième, mais il a rapporté une parole d'Ibn Taymiyyah. Donc d'ici, ou même d'avant, comme on a rapporté jusqu'à la fin, ça va être la parole de qui ? Hein ? Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il dit « Wa qawlu kathirin min ad-dullal » هذا أقرب إلى الله مني وأنا بعيد من الله لا يمكنني أن أدعوه إلى بهذه الواسطة ونحو ذلك من أقوال المشركين فإن الله تعالى يقول وإذا سلك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقد روي أن الصحابة قالوا يا رسول الله ربنا قريب فنناديه أم بعيد فنناديه فأنزل الله هذه الآية وفي الصحيح أنهم كانوا في سفر وكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا بل تدعون سميعا قريبا. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقد أمر الله تعالى العباد كلهم بالصلاة له ومناجاته، وأمر كل منهم أن يقولوا إياك نعبد وإياك نستعين. وقد أخبر عن المشركين أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. Donc quant à la parole de beaucoup d'égarés, celui-ci est plus proche d'Allah. C'est-à-dire qu'ils justifient comme ça. Ils disent quoi? Celui-ci est plus proche d'Allah que moi. Et moi, je suis éloigné d'Allah. Et je ne peux donc l'invoquer que par cet intermédiaire. Et d'autres paroles parmi les paroles des associateurs. Allah le Très-Haut a dit, c'est dans la traduction du sens est, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie, quand il me prie. » Surat al-Baqarah, verset 186. Il a été rapporté que les compagnons ont dit, « Ô messager d'Allah, est-ce que notre Seigneur est proche ?» Et donc, nous adressons à lui tout bas, ou loin, et donc nous l'appelons. Et Allah révèle alors ce verset, c'est-à-dire le verset précité de Surat al-Baqarah. Et dans l'authentique, il est rapporté qu'ils étaient en voyage et qu'ils faisaient le takbir à voix haute. Hein, c'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar, ils disaient Allahu Akbar à voix haute. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, « Ô gens, soyez doux envers vos personnes, car vous n'invoquez ni un sourd qui ne vous entend pas, ni un absent qui ne vous voit pas. Mais de plus, vous n'invoquez que celui qui vous entend et qui est proche. Celui que vous invoquez est plus proche de l'un d'entre vous que le cou de sa monture. » C'est une traduction du hadith conforme à l'explication de ce hadith par Cheikh Mohamed Al-Amin ibn Abdillah Al-Urmi Al-Alawi Al-Harari dans son explication de l'Authentique de Muslim, volume 25, page 73. Et je vous donne une autre référence, c'est un hadith que Cheikh Al-Athaymin cite aussi dans le Wasitiyah. Je sais qu'on vous bombarde un peu de références, mais c'est important, comme je dis toujours, c'est comme ça que le talib ilm se construit, c'est d'aller toujours voir dans ces références, dans le cadre de ce qu'on a vu, hein, et de toute façon, elles sont toutes sur le PDF, inshallah, donc vous pouvez y avoir accès facilement. Cheikh Al-Athaymin, Sharh de l'Wasitiyah, page 431. Et le hadith, il est rapporté d'ailleurs par le Bukhari et Muslim. Et puis le cheikh il continue, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, et Allah le Très-Haut a ordonné à tous les serviteurs de prier pour lui et de s'adresser à lui tout bas. Il leur a ordonné à tous de dire ce dont la traduction du sens est, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Et il a informé au sujet des associateurs qu'ils ont dit ce dont la traduction du sens est, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Surat Zumar verset 3. Puis le cheikh, il rentre dans le munaqasha et il dit comment on va répondre à cet associateur-là, d'accord ? D'où l'importance de connaître ses bases. Là, on touche des bases de notre religion dans le tawhid que normalement chaque salafi devrait connaître. Hein? Et donc le danger aussi de commencer à débattre avec des gens si on n'a pas quoi ? Hein? Pas la science. Parce que les gens d'innovation religieuse hein, et ceux qui ont des choubouettes à ce niveau-là, ils ont des choubouettes évidemment. Et donc, des fois, on peut ne pas être à même de répondre. Donc le danger de se mettre face à ces choubouettes-là. Je vous rappelle ce qu'il a dit chez Ahmed Bazmoul, il a dit que quoi, que c'est haram pour le croyant de quoi, de se mettre hein, à l'épreuve, c'est-à-dire de se mettre face à une choubha. D'accord? Pourquoi? Parce que ta'arid al-mu'min nafsahu lil-fitna haram, il a dit chez Ahmed Bazmoul. Et comme chez Ahmed Bazmoul il a dit, certaines personnes ils croient que la choubha elle arrive quand restant longtemps, fréquentant longtemps quelqu'un. Il a dit c'est faux ça. Une assise peut suffire, même plus. Quoi? Il a dit une parole peut suffire. Donc le danger de se protéger des choubouhat hein, et des gens des choubouhat et de ne pas entrer dans le débat si on n'a pas de science. Donc Cheikh il dit ثم يقال لهذا المشرك أنت إذا دعوت هذا فإن كنت تظن أنه أعلم بحالك وأقدر على عطاء سؤالك وأرحم بك فهذا جهل وضلال وكفر وإن كنت تعلم. Regardez les ulama comment ils répondent. وإن كنت تعلم أن الله أعلم وأقدر وأرحم فلما عدلت عن سؤاله إلى سؤال غيره. Regardez comment Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ce grand savant de la communauté, regardez comment il lui répond. Il dit, puis on dit à cet associateur, toi si tu invoques celui-là, si tu penses qu'il est plus savant de ta situation et qu'il est plus capable de te donner ce que tu demandes et qu'il est plus miséricordieux envers toi, alors cela est une ignorance et un égarement et une mécréance. Et si tu sais qu'Allah est plus savant et plus capable, et bien qu'est-ce que tu vas lui dire? Pourquoi as-tu délaissé le fait de lui demander à lui et as-tu demandé à autre que lui? N'entends-tu pas? Et Cheikh dit, Allah tasma'u ila ma kharaja al-Bukhari wa ghayruhu an Jabir radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور. ما هي صلاة الاستخارة؟ دعاء الاستخارة. كما يعلمنا سورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رد أرضني به. قال ويسمي حاجته. أمر العبد أن يقول: أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، وإن كنت تعلم أنه أقرب إلى الله منك وعلى درجة عند الله منك فهذا حق، لكن كلمة حق أريد بها باطل، فإنه إذا كان أقرب منك وعلى درجة منك فإنما معناه أن يثيبه ويعطيه أكثر مما يعطيك، ليس معناه أنك إذا دعوته كان الله يقضي حاجتك أعظم مما يقضيها إذا دعوت أنت الله تعالى. شيخ qu'est-ce qu'il dit rapporte point très intéressant ici. Il dit: n'entends-tu pas ce qu'a rapporté Al-Bukhari et d'autres d'après Jabir رضي الله عنه qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous apprenait la prière de la consultation, al-istikhara, dans les affaires, comme il nous apprenait une sourate du Coran. Il disait: lorsque l'un d'entre vous décide de faire quelque chose, qu'il accomplisse deux unités de prière, autre que la prière obligatoire, puis qu'il dise: ô Allah, par ta science je te consulte, et par ton pouvoir je t'implore de m'accorder la capacité d'accomplir mes desseins, et je te demande de m'octroyer une part de ta grâce immense. Tu es certes capable et je suis incapable. Tu sais tout tandis que moi je ne sais pas. Et c'est toi qui connais parfaitement les choses invisibles. Ô Allah, si tu sais que cette chose est un bien pour moi dans ma religion, dans ma vie présente et ici-bas et dans l'au-delà, faites qu'elle me soit prédestinée. Ici le mot, ici, faqturuli, prédestiné, je l'ai traduit de cette manière et cette traduction conforme l'explication de ce hadith dans l'explication de Sunan Nasa'i du grand muhadith, Cheikh Mohamed ibn Ali ibn Adam l'Éthiopie, qui est un savant contemporain qui vit à la Mecque et qui enseigne à la Mecque, volume 27, page 180. Puis on continue l'istikhara. Et facilite-la moi, puis bénis-la pour moi. Et si tu sais que cette chose est pour moi un mal dans ma religion, dans ma vie présente et dans ma vie future, alors détourne-moi d'elle et fais que le bien me soit prédestiné là où il se trouve. Puis fais que je me satisfasse de cela. Puis il dit, et il cite son affaire. Donc, cher Islam Timia, qu'est-ce qu'il dit ? Il a ordonné au serviteur de dire: par ta science, je te consulte, et par ton pouvoir, je t'implore de m'accorder la capacité d'accomplir mes desseins, et je te demande de m'octroyer une part de ta grâce immense. Cheikh l'Islam, il continue en disant: et tu sais, et si tu sais qu'il est plus proche d'Allah que toi, c'est-à-dire que maintenant, si tu sais que quelqu'un est plus proche d'Allah que toi, parce que c'est eux, c'est comme ça qu'ils essaient de se justifier, et si tu sais qu'il est plus proche d'Allah que toi, et est à un degré plus élevé que le tien auprès d'Allah, c'est alors une vérité. Mais c'est une parole de vérité par laquelle le faux est voulu. Car s'il est plus proche d'Allah que toi et plus élevé en termes de degré que toi, le sens de cela est qu'il le récompense et lui donne plus que ce qu'il te donne. Et pas que si tu l'invoques, alors Allah répond à sa demande, plus qu'il ne répond si tu demandes toi Allah le Très-Haut. Puis Cheikh, il rapporte un point ici, il dit: فَإِنَّكَ إِن كُنْتَ مُسْتَحِقَ لِلْعِقَابِ ورد الدعاء مثلا لما فيه من العدوان، فالنبي صلى الله عليه وسلم والصالح لا يعين على ما يكرهه الله ولا يسعى فيما يبغضه الله، وإن لم يكن كذلك فالله أولى بالرحمة والقبول. Donc Cheikh il dit: si tu mérites le châtiment et que ta demande soit refusée, par exemple en raison de ce qu'elle contient comme inimitié. On revient à ce que j'ai dit, par exemple, au Mawani, dans le Dua, il y a des choses qui empêchent que le Dua soit accepté. Revenez au livre de Cheikh Abdelzak. Alors le prophète et le vertueux n'aident pas en ce qui concerne ce qu'Allah déteste. Hein? Et n'entreprennent rien de ce qu'Allah déteste. Et si ce n'est pas le cas, Allah est plus à même de faire miséricorde et d'accepter. Et puis Cheikh, il dit: وَإِنْ قُلْتْ هَذَا إِذَا دَعَ اللَّهَ أَجَابَ دُعَاءَهُ أَعْضَمَ مَا يُجِيبُهُ إِذَا دَعَوْتُهُ. فهذا هو القسم الثاني. Il dit, et si tu dis, Cheikh Al-Islam Tim, vous suivez la discussion ici, hein? Et si tu dis, celui-ci, s'il invoque Allah, Allah répond à son invocation plus que ce qu'il répond quand moi je l'invoque. Alors, c'est quoi? C'est le deuxième degré. Donc, le premier degré, on a vu, c'était quoi? C'est le fait de faire quoi? Qu'on constitue bien les différences entre les trois degrés qu'il va y avoir. C'est quoi le premier degré qu'on a vu? Hein? Personne? Regardez au moins en arabe dans les livres que vous avez. C'était quoi le premier degré? Pourtant, il est clair, il est wadih. On a même donné le hukm shara'i de ça. Na'am, shirk sarih, et pourquoi? Revenez, le texte il est devant vous, les frères, vous avez le livre devant vous. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Si vous parlez de Timia, il a dit. Et puis on est arrivé jusqu'au point où il a dit. Hein? Et quoi? Va demander quelque chose à quelqu'un. Ah, Hassan, barakallah. Maintenant, le deuxième degré. Et c'est quoi le deuxième degré? Il a dit, et si tu dis maintenant, celui-ci, s'il invoque Allah, Allah répond à son invocation, plus que ce qu'il répond quand moi je l'invoque, alors cela est le deuxième degré. C'est quoi le deuxième degré? Al-Qism al-Thani. Wa alla tatluba minhu al-fi'l. C'est-à-dire que tu ne demandes pas à lui-même qu'il te guérisse, comme il a dit tout à l'heure, ou qu'il te donne ce que tu demandes, ou qu'il guérisse tes bêtes ou ta famille, etc. Non. Il a dit, wa huwa alla tatluba minhu al-fi'l. Faut suivre les frères. Saint Salafi doit maîtriser ces notions-là dans le Tawhid. Fahada mashru'un. Mais attention, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez le mot après. Fil hay. Fil hay. Parce que le shir, il avait donné quoi des conditions. Il avait dit qu'il y a un hayyan. Quoi? Hadiran. Quoi? Qadiran. Hein, qu'il soit vivant, présent, capable. Vous vous souvenez de ces conditions-là, d'accord? Donc il a dit le cheikh ici, et le deuxième degré, et c'est que tu ne demandes pas de lui qu'il le fasse lui-même, ni que tu l'invoques lui-même, mais que tu demandes qu'il invoque Allah pour toi. Comme tu dis à celui qui est vivant, invoque Allah pour moi. Et comme les compagnons qu'Allah les agrée tous, qui demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah pour eux. Alors cela est quoi? Est légiféré. En ce qui concerne celui qui est vivant. Quand vous allez voir les notes dans le PDF, je l'ai mis en gras, vivant. Hein, c'est un mot important. Quant aux morts, regardez la suite d'ailleurs, tournez la page. وَأَمَّا الْمَيِّتُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَغَيْرِهِمْ فَلَمْ يُشْرَعْ لَنَا أَنْ نَقُولَ ادْعُ لَنَا وَلَا اسْأَلَنَا رَبَّكَ وَلَمْ يَفْعَلْ هَذَا أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَلَا أَمَرَ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَلَا وَرَدَ فِيهِ حَدِيثٌ بل الذي ثبت في الصحيح أنه لما أجدبوا زمن عمر رضي الله عنه واستسقى بالعباس وقال اللهم إن كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإن نتوسل إليك بعم نبينا فسقينا فيسقون ولم يجيئوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قائلين يا رسول الله ادعوا الله لنا واستسقي لنا ونحن نشكو إليك مما أصابنا ونحو ذلك لم يفعل ذلك أحد من الصحابة قط بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان بل كانوا إذا جاءوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه فإذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبل القبر الشريف بل ينحرفون ويستقبلون القبلة ويدعون الله وحده لا شريك له كما يدعونه في سائر البقاع. Donc il a dit, quant aux morts, parmi les prophètes et les vertueux et autres, il ne nous a pas été légiféré de dire, invoque Allah pour nous, ni de dire, demande à ton Seigneur pour nous. Et cela n'a été fait par aucun des compagnons. Ça c'est un rad qawi, ça, pour les gens qui essaient d'autoriser ce genre de choses, de dire que quoi que, cela n'a été fait par aucun compagnon. Ni aucun de ceux qui leur ont succédé, les tabi'un. Et cela n'a été ordonné par aucun des imams. Et cela n'a été rapporté dans aucun hadith. Mais de plus, ce qui a été rapporté dans le hadith authentique, c'est que lorsqu'ils furent touchés par la sécheresse, on a déjà rapporté ce hadith, au temps de Omar radiallahu anhu arda, donc c'est-à-dire après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé la pluie en demandant à Al-Abbas, mais de quoi? D'invoquer Allah. Et il a dit, oh Allah, lorsque nous étions touchés par la sécheresse, nous utilisions comme moyen de nous rapprocher de toi. C'est comme ça qu'on avait traduit Tawassul par rapport au Sharh de Sheikh Al-Uthaymeen, vous vous souvenez, hein? Et c'est important de traduire ça par quoi? L'invocation de notre prophète. Parce que c'est ça, hein? C'est pour ça que vous voyez chaque fois je mets entre parenthèses l'invocation de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et nous utilisons comme moyen de nous rapprocher de toi. Vous savez terminer la phrase? Les frères, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, hein? Et il est tard, on va changer l'heure du cours. Plus tard, on va faire avant le maghrib ou quoi? Hein? Eh ouais. Naam, l'invocation de qui? De l'oncle du prophète. Donne-nous donc la pluie, et la pluie l'aurait été quoi? L'aurait été donnée. Et un truc que vous pouvez déjà répondre vous-même, c'est qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Bah, il était mort. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils n'ont pas été à la tombe. Hein? Et s'il y avait un khir, est-ce que le sahaba ne nous aurait pas précédé là-dedans? Ça, c'est un rad qawi. Je vais rapporter une histoire que j'avais un débat avec quelques, hein, soufis, etc. Ils ne savaient pas répondre après ça. C'est un hadith, un ikin hujja, qui les réfute de manière complète. D'accord? Et je vous rapporte, il y a un très bon livre d'un grand savant sur le tawassul. C'est qui? Naam, ça y est, en plus ancien. Ahsant. Et c'est qui a fait le tahqiq? Cheikh Rabia. Cheikh Rabia, il a fait le tahqiq de Qa'idatun fi, hein? Wal-Wasila, il a Cheikh l'Islam Al-Taymi, rahimahullah. Donc Cheikh Rabia, c'est des livres qu'il faut avoir à la maison. Salafi, il lit dans le tawhid, il lit dans l'aqida, il construit sa aqida sur l'ilm. D'accord? Regardez qu'est-ce qu'il a dit ici. Et ils ne se sont pas rendus auprès de la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en disant, oh messager d'Allah, invoque Allah pour nous, et demande l'appui pour nous, et nous nous plaignons à toi de ce qui nous touche, etc. Aucun parmi les compagnons n'a fait cela. D'accord? Donc ils étaient chez l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était quoi? Vivant, présent, et capable d'invoquer, pour lui demander de quoi? D'invoquer Allah. Hein? Or, si c'était, hein, ils auraient été plus vers qui? Vers le prophète, il était quoi? Il était mort, alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est une bonne faïda, inshallah, un bon hadith, une bonne réfutation contre les choubois de ces gens-là. Donc, cher, je répète cette phrase. Aucun parmi les compagnons n'a fait cela. Mais de plus, c'est une innovation religieuse au sujet de laquelle Allah n'a fait descendre aucune preuve. Mais de plus, lorsqu'il se rendait auprès de la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il le saluait. Et s'il voulait invoquer, il ne le faisait pas en se dirigeant vers la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais de plus, il déviait de cette direction et s'est tourné vers quoi? Vers la Qibla. Et invoquer Allah seul sans lui donner quelque associé, comme il le faisait pour l'invoquer à tout endroit. Comme j'étais à la Umrah au mois de février, hein, une fois pendant la nuit, hein, quand c'était un peu plus calme, j'ai essayé d'aller vers du côté de la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, etc. Voilà, vous voyez des gens, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Ils sont face à la tombe, main levée, et ils invoquent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, et je zamm l'an khairan, l'état d'Arabie Saoudite, ils ont mis des policiers et des frères, hein. Il y a une petite histoire qui m'est arrivée avec un de ces frères-là. Sarahatan, il était en train de pousser les gens et de leur dire, hein, de leur faire nasiha, de leur dire les versets du Coran, de leur dire les ahadiths, etc. De leur dire non, ne fais pas ça, c'est du shirk. Toute la nuit, il faisait ça. Jazakallahu khairan. Et je le regardais avec un sourire, il m'a regardé, je lui ai dit Jazakallahu khairan pour ce que tu fais, etc. Parce que c'est pas facile. Hein? D'accord? Et il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont même pas tournés vers la Qibla. Donc, dos à la Qibla, et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tournés vers la tombe du prophète. Là. Hein? On a fait conseil à certains d'entre eux, ils continuent à faire ce qu'ils font. Hein? Mais la différence en Arabie Saoudite, c'est quand on leur a fait le conseil, ils n'ont pas accepté, qu'est-ce qu'on a fait? On a été voir la police religieuse. On leur a dit, voilà, il y a des soufis là-bas. Hein? Ils ont dit, tiens, on va attendre notre travail, on va s'occuper de notre travail, inshallah. Hein? Hein? Regardez Bilal Tawhid, subhanallah. Ils payent des gens, hein? des gens qui sont là, à nuit et jour, qui se relaient, pourquoi? Pour interdire le shirk, interdire le bid'ah. Donc ici, qu'est-ce que le shirk, il dit? C'est qu'il déviait, hein, de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'est-ce qu'il faisait? Il se tournait vers la Qibla, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant on est arrivé à quoi? On a fini de traduire ça. On est arrivé au troisième degré. Je répète la dernière phrase. Mais depuis, il déviait de cette direction et s'est tourné vers la Qibla et a invoqué Allah seul, sans lui donner quelque associé, comme il le faisait pour l'invoquer à tout endroit, n'importe quel endroit. القسم الثالث وهو أن يقول اللهم بجاه فلان عندك Donc on avait dit quoi? C'est quoi le premier degré? C'est important d'avoir cet esprit de synthèse. C'est quoi le premier degré? D'accord. Et quel genre de fi'al on a dit? Naam. Et ça, le hukm de ça, c'est quoi? Après, le deuxième degré, c'était quoi? C'est quoi? C'est, pour être plus précis, c'est quoi? Que tu demandes de demander. De demander à Allah seul, avec la condition qu'il soit vivant, etc. D'accord. Maintenant, troisième degré. Amal qism al-thalith huwa an yaqul Allahumma bijahi fulanin indaka. Ça peut être pour les frères du Maghreb ou d'autres pays, vous avez déjà entendu ça. Hein? Oh bi barakati fulan. Oh bi hurmati fulan indaka. If'al bi kada wa kada. Fahada yaf'aluhu kathirun minan nas. لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء ولم يبلغني عن أحد من العلماء في ذلك ما أحكيه إلا ما رأيت في فتوى الفقيه أبي محمد بن عبد السلام فإنه أفتى أنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم ومنع معنى الاستفتاء قد روى النسائي والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض أصحابه أن يدعو فيقول اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي اللهم فشفعه في فإن هذا الحديث قد استدل به طائفة على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. Je vais lire encore un peu en arabe, qu'on garde le filon en français, qu'on ait le 1, la réponse aussi. قالوا وليس في التوسل دعاء المخلوقين ولا استغاثة بالمخلوق وإنما هو دعاء واستغاثة بالله لكن فيه سؤال بجاهه كما في سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في دعاء الخارج للصلاة أن يقول تصوير quelqu'un qui peut vous donner ce hadith. Il va te dire moi j'ai un dalil, hein? Il va te dire ce hadith. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Qui connaît la réponse à ça? Vous voyez, ça, regardez, c'est important d'étudier le livre d'Aqida. Je vous rassure, ce hadith est daif. Parce qu'il y a Atiya ibn Sa'd al-Oufi qui est dedans le hadith. Et Cheikh Al-Mahsi Al-Abbad, je vous rapporte une faïda après. Il dit même si c'était hadith, il n'y a pas une preuve dans ce qu'ils disent, dans ce hadith. Et il va rapporter pourquoi, Inch'Allah. Je continue comme ça on garde le fil aussi après en français. قالوا ففي هذا الحديث أنه سأل بحق السائلين عليه وبحق ممشاه إلى الصلاة والله تعالى قد جعل على نفسه حقا قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين ونحو قوله كان على ربك وعدا مسؤولا. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك فإن حقهم عليه أن لا يعذبهم وقال الطائفة ليس في هذا جواز التوسل به بعد مماته وفي مغيبه بل إنما فيه توسل في حياته بحضوره كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب encore une fois le même hadith voyez que j'ai dit que c'est un hadith important à connaître رضي الله عنه استسقى بالعباس فقال اللهم إن كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإن نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا فيسقون وقد بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون به في حياته فيسقون وذلك توسل به أنهم كانوا يسألونه ماذا؟ أن يدعو الله لهم فيدعو لهم ويدعون معه ويتوسلون بشفاعته ودعائه كما في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان بجوار دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله لنا أن يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه قال ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال وأقلعت فخرجنا نمشي في الشمس ففي هذا الحديث أنه قال ادعوا الله لنا أن يمسكها عنا فهذا كان توسلهم به في الاستسقاء ونحوه ولما مات توسلوا بالعباس رضي الله عنه كما كانوا يتوسلون به ويستسقون وجدت خدير cette partie là. Donc quant au troisième degré, c'est qu'ils disent « Oh Allah, je t'invoque par le rang d'un tel auprès de toi, ou je t'invoque par la bénédiction d'un tel, ou je t'invoque donc le jah, ou bien le baraka, ou je t'invoque par le caractère sacré d'un tel, bihormati fulan, auprès de toi, que tu me fasses telle et telle chose. » Cheikh, il dit, et c'est vrai, on a déjà entendu ça, cela est fait par beaucoup de gens, mais il n'a été rapporté d'aucun des compagnons, ni d'aucun de ceux qui leur ont succédé, ni d'aucun parmi les plus prédécesseurs de la communauté qu'ils ont invoqué avec ce genre d'invocation. Et ce que je raconte à ce sujet ne m'a été rapporté d'aucun parmi les savants, à l'exception faite de ce que j'ai vu dans les avis juridiques du jurisconsulte Abu Mohammed ibn Abdissalam, qu'il a émis comme avis juridique que c'est interdit de faire cela au sujet de qui que ce soit, si ce n'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez, si le hadith rapporté de manière authentique au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Donc vous pouvez tomber sur quelqu'un qui va vous sortir ça. Qu'est-ce qu'il dit le shir ? Et le sens de la demande d'avis juridique, al-stifta, qu'An-Nasa'i et Tirmidhi et d'autres ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris à certains compagnons d'invoquer en disant, écoutez la dua, vous allez voir pourquoi il a rapporté ça. Oh Allah, je te demande et je cherche à me rapprocher de toi par ton prophète. Le prophète de la miséricorde. Ô Mohammed, ô messager d'Allah, je cherche à me rapprocher de mon Seigneur par toi, au sujet de mon affaire, afin qu'il me la donne. Ô Allah, fais-le intercéder pour moi. Vous avez entendu, hein? Certains ont utilisé ce hadith comme preuve de l'autorisation d'utiliser le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme moyen de se rapprocher d'Allah, de son vivant et après sa mort. Qu'est-ce qu'il a dit le cheikh ici? Et après sa mort. Ils ont dit, il n'y a pas dans le tawassul d'invocation des créatures, ni de demande de secours aux autres créatures. Et ce n'est qu'une invocation, une demande de secours à Allah. Mais il y a en cela une demande par son rang. Comme cela a été rapporté dans Sunan ibn Majah. Vous voyez qu'il vous rapporte quoi des preuves. Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a cité dans l'invocation de celui qui sort pour se rendre à la prière. D'ailleurs, c'est un dua qui se retrouve dans quel livre? Là, je vous ai dit, parce que j'ai dit, hein? La manière de se comporter, là, je vous donne la réponse. Adab al-Mashi ila Salah. Cheikh Mohamed al-Wahhab a rapporté cette dua-là, et c'est là que je vais vous rapporter la parole de Cheikh Mohamed al-Abbad dans son charah de cette dua-là, dans le charah de l'Adab al-Mashi ila Salah. Vous savez que l'Adab al-Mashi ila Salah, c'est un livre qui est écrit par Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, d'accord ? Cheikh Mohamed al-Abbad, parmi d'autres savants, il l'a expliqué. Il a été publié en un livre, mais il a été aussi publié dans son majmou' de Rasa'il. Vous savez qu'il a un majmou' toutes ces Rasa'il et tous ces livres à Shemas al-Abbas ont été regroupés en un grand recueil. Il est ici dans la mosquée et se retrouve dans le volume 5, si je me souviens bien. D'accord ? Mais on va rapporter une faïda, Inch'Allah. Il dit, écoutez ça, « Oh Allah, je t'invoque par le droit que les gens bihaqis sa'ilin alayka. Je t'invoque par le droit que les gens qui demandent ont sur toi et par le droit de ma marche si, wa bihaqi mamshaya. Car je ne suis sorti ni par vantardise, ni par infatuité, ni par ostentation. » Vous avez entendu en arabe qu'il a utilisé deux mots encore une fois pour ostentation, c'est quoi? Ria ou Sum'a, maintenant vous êtes capable de les définir, c'est quoi? En arabe, le ria c'est l'ostentation de ce qui est vu parmi les actions, c'est donc lié à la vue. Hein? C'est à fait la même chose que moi la semaine passée. Hein? Et Sum'a, c'est quoi? C'est l'ostentation qui est liée à ce qui est entendu parmi les actions, et c'est donc lié à... Alloui. Maintenant, on traduit ça par ostentation. Mais c'est différent. Ria wa sum'a. Je continue cette invocation-là. Je suis sorti de peur de ta colère et espérant ta satisfaction. Je te demande que tu me sauves de l'enfer et que tu me pardonnes mes péchés car tu es le seul qui pardonne les péchés. Donc, quelqu'un qui te sort ce hadith, qu'est-ce que tu lui dis? La réponse de Cheikh Mohamed al-Abbad, qu'Allah le préserve. Il dit dans son explication de Adab al-Mashi ila Salah, page 122, dans son recueil, volume 5. Et ce hadith est faible, da'if. Pourquoi? Car il y a dans sa chaîne de transmission Atiyah ibn Sa'd al-Oufi, D'accord ? Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit la même chose, allez le voir dans un instant. Et Al-Hafid, c'est-à-dire qui est Al-Hafid ? Ibn Hajar, rahimahullah, il a dit dans son taqrib sur lui, sur Atiyah ibn Sa'd al-Oufi, c'est un sadouq, yukhti'u kathiran. Sadouq, yukhti'u kathiran, wa kana shi'iyan mudallisa. C'est un sadouq qui fait beaucoup d'erreurs, il était chiite et mudallis. Et il est dans le Mousnad de l'imam Ahmed, ce hadith, numéro 11156, et voir si c'est le hadith, quoi, Al-Da'ifa de Cheikh Al-Albani, numéro 24. Et regardez, et Cheikh Marcel Abad, qu'est-ce qu'il dit? Et si le hadith était authentique maintenant? Regardez comment il va l'expliquer. Je répète le hadith, hein, le dua. Oh Allah, je t'invoque par le droit que les gens qui demandent ont sur toi, jusqu'à la fin du, hein, du hadith, qui est faible. D'accord? C'est quoi? Et si le hadith était authentique, il n'y aurait pas dans ce hadith de preuve de l'autorisation d'utiliser des personnes comme moyen de se rapprocher d'Allah, car c'est se rapprocher d'Allah au moyen du droit de ceux qui demandent. Et c'est quoi ce droit de ceux qui demandent? Eh bien, c'est l'exaucement, l'ijaba. Regardez les ulama comment ils comprennent les choses. Et fait partie des noms d'Allah, Al-Mujib. D'accord? Celui qui exauce, l'exauceur. Et parmi ses attributs, quoi? Al-Ijaba, l'exaucement. Donc vous voyez comment Cheikh Mohsen Abad, il retourne ce hadith qui est de façon faible, il le retourne même contre eux. Donc l'importance de revenir au ulama, et encore une fois d'apprendre, hein, un salafi, encore je répète, il doit être mutamakkin dans l'aqidah. Et dans surtout des notions de base qui touchent à tawhid, l'ibada, hein, etc. C'est un salafi doit être quoi? Doit être, en anglais, excuse, grounded, hein, il doit être ferme là-dedans dans ses. Hein, dans ces messaïls là. Puis Cheikh, on continue maintenant dans le livre de Cheikh Mohamed Bazmoul. Ils ont dit qu'il y a dans ce hadith qu'il a demandé par le droit de ceux qui demandent sur lui et par le droit de sa marche pour se rendre à la prière. Et Allah le trio s'est mis un devoir. La traduction du sens de la parole d'Allah a dit, et c'était notre devoir de secourir les croyants. Surat al-Rum, verset 47. Et comme sa parole dans la traduction du sens est, c'est une promesse incombant à ton Seigneur. Surat al-Furqan, verset 16. Et dans les deux authentiques, et ça c'est un hadith qu'on a déjà expliqué quand les frères qui sont là depuis moins de 3 ans se rappellent peut-être pas. Le premier livre qu'on a fait ici à Birmingham, qu'on a commencé les cours en français, c'est Mudakkar al-Hadith Nabawi Sharif. Cheikh Rabi, il a expliqué le hadith de Mu'ad ibn Jabal. Quand il l'a envoyé où, le professeur sallam? Pour faire quoi? Et bien regardez ce qu'il dit ici. Et dans les deux authentiques, le Bukhari au Muslim, d'après Mu'ad ibn Jabal, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: oh Mu'ad, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Il dit: Allah et son messager sont plus savants. On avait déjà expliqué d'ailleurs à l'époque pourquoi il a dit Allah et son messager sont plus savants. Pourquoi il avait dit ça? Non, ça c'est une des réponses que les ulama ils ont dit. Ou bien c'est dans l'Omur quoi? C'est pas dans les. C'est dans les umours qui sont liés à quoi? Qui sont pas. D'accord. Donc, ça, c'est une des manières dont les ulama ont expliqué ça. Donc, Allah et son messager sont plus savants. Il dit: le droit d'Allah, c'est sur les serviteurs et qu'il l'adore et ne lui associe rien. Sais-tu quel est le droit des serviteurs sur Allah? S'ils pratiquent cela, leur droit, écoutez bien ce mot-là, leur droit sur lui et qu'il ne les châtie pas. D'accord? Maintenant, est-ce que vous vous êtes jamais posé la question, le fait d'avoir un droit sur Allah? Comment vous expliquez ça? Hein? C'est lui qui s'est mis ce droit-là. Comment ils disent en arabe, tu sais? Ils disent Tafaddulan wa in'ama. Cheikh Rabi, on va le rapporter ici dans un instant. On avait déjà rapporté à l'époque dans le hadith de Mu'ad ibn Jabal, le charh de Cheikh Rabi. Je vous le rapporte encore aujourd'hui. Cheikh Rabi, hein? Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali. Quand le préserve explique cela dans son épître sous le titre Mudakkirat al-Hadith al-Nabawi Sharif, dans l'explication du troisième hadith. Ce qu'il a rapporté quoi? 21 hadiths dans l'Aqida et l'Ittiba. Et c'est un livre qu'il a écrit pour quoi, Cheikh Rabi? Et pour qui? Pour les étudiants à l'université de Médine à l'époque. D'ailleurs, quand vous voyez les livres qui sont imprimés par l'université de Médine, pour les Toulab, vous le retrouvez dedans. D'accord? Et il a rapporté 21 hadiths, qui sont de 21 hadiths dans l'Aqida ou l'Ittiba. Et il fait l'explication, il fait une petite tarjama du sahabi qui rapporte le hadith. Mufradat al-Hadith, les vocabulaires du Hadith, les mots qui sont un peu qui ne sont pas très utilisés, que les gens ont besoin de savoir en termes de sens. Et puis il fait quoi? le charh du hadith, et puis rapporte les points tirés de ce hadith. Il est disponible sur notre site, on l'a traduit entièrement, je pense, en 15 vers. Regardez ce qu'il dit, Cheikh Rabia, par rapport à ce point-là, qui dit quoi? Que leur droit sur lui est qu'il ne les châtie pas. D'accord? Ou le droit sur Allah. Il dit, ce droit est un bienfait, comme tu l'as dit, et une faveur qu'il s'est imposée à lui-même, subhanahu wa ta'ala, par sa générosité et grâce, envers ceux qui sont sur l'unicité et qui sont sincères. Al-Muhidin, al-Mukhlisin, dit Cheikh Rabia en arabe. Et ce n'est aucunement un droit rendu obligatoire par la logique comme le prétend qui ? Al-Mu'tazila. D'accord ? Je vous donne la référence pour ceux qui ont le majmou' de... Qui est le majmou' de fatawa à la maison de Cheikh Rabia et de Rasa'il ? Je vous donne la référence. Majmou' kutub wa Rasa'il fatawa wa fatawa al-Allama Rabia' ibn Hadi al-Madkhali, volume 1, page 187. Sinon, c'est aussi une risala qui a été publiée à part par Dar al-Minhaj à l'époque. Et c'est une petite épître aux éditions d'Ar al-Minhaj. J'ai pas la page, mais il est assez facile à trouver, c'est le troisième hadith. Donc maintenant on a fini ce point-là sur le droit sur Allah. C'est une faïda en plus que j'ai voulu vous rapporter. Maintenant on va terminer ce cours en disant, en finissant la parole d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et un groupe a dit, il n'y a pas en cela l'autorisation de se rapprocher d'Allah par lui après sa mort et en son absence, mais de plus il y a en cela le fait de se rapprocher d'Allah en lui demandant d'invoquer Allah de son vivant et en sa présence. Donc même dans ce qu'ils disent, il n'y a pas quoi de preuve pour ce qu'ils essayent de justifier. Comme cela a été rapporté dans l'authentique d'Al-Bukhari, quand Omar ibn Khattab, maintenant vous pouvez même terminer le hadith vous-même, c'est que quoi? Quand Allah l'agré, il a demandé la pluie, ce qu'on appelle istisqa. Comment? En demandant à Al-Abbas d'invoquer Allah, et a dit, oh Allah, lorsque nous étions touchés par la sécheresse, nous utilisions comme moyen de nous rapprocher de toi, quoi? L'invocation de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et nous utilisons comme moyen de nous rapprocher de toi. Les frères, vous êtes là ou là? L'invocation de l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donne-nous donc l'appui, et l'appui leur était quoi? Leur était donné. Et Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agré, a clarifié qu'il l'utilisait comme moyen de se rapprocher d'Allah. Écoutez, le mot est important ici. Et Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agré, a clarifié qu'il l'utilisait comme moyen de se rapprocher d'Allah, de son vivant, et la pluie leur était donnée, et ce moyen de se rapprocher d'Allah était quoi? Qu'il lui demandait d'invoquer Allah pour eux, et donc il invoquait Allah pour eux, et ils invoquaient Allah avec lui. Et ils utilisaient comme moyen de se rapprocher d'Allah son intercession et son invocation. Comme cela a été rapporté dans l'authentique d'après Anas ibn Malik. Qu'Allah l'agré. Et regarde, c'est un autre dalil ça, que vous pouvez utiliser contre eux. Qu'un homme entra dans la mosquée un vendredi, par une porte qui était proche de Dar al-Qada, la maison de la justice, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prêchait debout. Kana yakhtubu qa'ima. Et il fit face au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, debout, et dit, ô messager d'Allah, les biens ont péri et les voies ont été coupées. Invoque donc Allah. Regardez le hadith comme il est clair ici, quoi? Invoque donc quoi? Allah. Invoque donc Allah pour nous, qu'il retienne la pluie pour nous. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leva donc ses deux mains et dit, ô Allah, fais tomber la pluie aux alentours et non sur nous. Ô Allah, dirige-la vers les crêtes, les collines, les vallées et les plantations. C'est une doua qui se retrouve dans les livres de doua que vous connaissez. Il dit, il cessa alors de pleuvoir et nous sortit marchant sous le soleil. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit le shaykh ici? Il y a donc dans ce hadith, il y a qu'il a dit quoi? Ud'u Allah alana. Il a dit, invoque donc Allah pour nous, qu'il retienne la pluie pour nous. Et Cheikh il dit, فَهَدَا كَانَ يَتَوَسُلُهُمْ بِهِ. Et donc, cela était leur moyen de se rapprocher d'Allah lors de la demande de pluie et affaires similaires. Et lorsqu'il mourut, alayhi salatu wassalam, ils utilisèrent comme moyen de se rapprocher d'Allah, quoi? L'Abbas. Exactement, l'invocation de l'Abbas. وَمَا كَانُوا يَسْتَسْقُونَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَا فِي مَغِيبِهِ وَلَا عِنْدَ قَبْرِهِ ولا عند قبر غيره وكذلك معاوية بن أبي سفيان استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي وقال اللهم إننا نستشفع إليك بخيارنا يا يزيد ارفع يديك إلى الله فرفع يديه ودعا ودعوا فسقوا. فلذلك قال العلماء يستحب أن يستسقى بأهل الصلاح والخير، فإذا كانوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحسن. ولم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع توسل والاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالح بعد موته ولا في مغيبه، ولا استحب ذلك في الاستسقاء ولا في الاستنصار ولا غير ذلك من الأدعياء. Donc, cher, qu'est-ce qu'il dit? C'est un point important encore ici. Restez concentrés, on a presque fini, Inch'Allah. Et ils utilisèrent comme moyen de se rapprocher d'Allah l'invocation d'Al-Abbas, qu'Allah l'agré, comme ils l'utilisaient comme moyen de se rapprocher d'Allah et demander la pluie en lui demandant, sallallahu alayhi wa sallam, d'invoquer Allah pour eux. Et ils n'utilisaient pas comme moyen de se rapprocher d'Allah après sa mort, ni en son absence, ni près de sa tombe, ni près de la tombe d'autrui. Ça, c'est important à comprendre. Et de même pour Mu'awiyah ibn Abi Sufyan, encore un autre dalil, qui est utilisé comme moyen de demander la pluie, encore une fois ce qu'on appelle l'istisqa, l'invocation à Allah de qui? De Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi, et a dit, oh Allah, regardez le hadith comme il est clair, regarde comme la parole ici elle est claire. Nous utilisons comme moyen d'intercéder auprès de toi l'invocation des meilleurs d'entre nous. Qu'est-ce qu'il a dit? L'invocation des meilleurs d'entre nous, oh Yazid, lève tes mains vers Allah. Et il leva ses mains et invoqua Allah, et ils invoquèrent Allah et ils reçurent la pluie. Donc encore une fois, toujours, c'est quoi? C'est de demander à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que les savants ont dit qu'il est préférable de demander la pluie au moyen de quoi? De l'invocation à Allah des gens de bien et de vertu. Et s'ils font partie de la famille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est mieux, min ahlil bayt. Et aucun savant n'a dit qu'il est légiféré d'utiliser comme moyen de se rapprocher d'Allah et de demander la pluie le prophète et les vertueux après sa mort, ni en son absence, et ils n'ont pas dit que c'était préférable, ni dans la demande de pluie, ni dans la demande de victoire, ni dans tout autre quoi, invocation. Puis Cheikh dit, wa-du'a mukhul ibadah, et je rappelle que le hadith qui dit du'a mukhul ibadah, c'est un hadith qui est daif. Al-du'a qui est sahih, c'est... le hadith qui est sahih, c'est... Al-du'a huwa al-ibadah. Il dit, cher, ici, l'invocation est le cœur de l'adoration. Et le hadith qui a cette formulation-là, il est daif. La formulation qui est correcte, c'est l'adoration. L'invocation est l'adoration. Et l'invocation est le cœur de l'adoration. Et l'adoration est basée sur la sunnah. Wa-du'a mukhul al-ibadah. Wa-al-ibadah mabnaha ala sunnah wal-ittiba' la ala al-ahwa'i wal-ibtida'. وإنما يعبد الله بما شرع لا يعبد بالأهواء والبدع. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور. وأما الرجل إذا أصابته نائبة أو خاف شيئا فاستغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع فهذا من الشرك ومن جنس دين النصارى. فإن الله هو الذي يصيب بالرحمة ويكشف الضر. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله. سورة يونس. وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال تعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فبين أن من يدعى من الملائكة والأنبياء وغيرهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا. فإذا قال قائل أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعا لي فهو من جنس دعاء النصارى لمريم والأحبار والرهبان. والمؤمن يرجو ربه ويخافه ويدعوه مخلصا له الدين، وحق شيخه أن يدعو له ويترحم عليه. فإن أعظم الخلق قدرا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه أعلم الناس بأمره وقدره وأطوع الناس إليه، ولم يكن يأمر أحدا منهم عند الفزع والخوف أن يقول يا سيدي يا رسول الله، ولم يكونوا يفعلون ذلك في حياته ولا بعد مماته إن كلا انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله من مجموع الفتاوى باختصار. On va terminer par cette dernière parole, ce cours inshallah. Et l'invocation est le cœur de l'adoration, et l'adoration est basée sur la sunna et le suivi, pas sur les passions et l'innovation dans la religion. Mais de plus, Allah n'est adoré qu'au moyen de ce qu'il a légiféré, et n'est pas adoré au moyen des passions et des innovations religieuses. Allah dit, ce dont la traduction du sens est, ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient été établis pour eux, qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises. Surat Shura, verset 21. Et il a dit, ce dont la traduction du sens est, invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Surat Al-A'raf, verset 55. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il y aura certes dans cette communauté des gens qui dépassent les limites dans l'invocation et la purification. Puis, cher Ibn Taymiyyah, rahimahullah, cher l'islam, il conclut en disant, tandis que l'homme, s'il est touché par une calamité, ou s'il a peur de quelque chose, ou qu'il demande secours à son cher, lui demandant d'affermir son cœur quant à cette situation, cela fait partie de quoi? Hein? De l'association, et c'est du genre de la religion des chrétiens. Allah est le seul qui touche par la miséricorde et qui écarte le mal. Allah dit, ce dont la traduction du sens est, et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui, et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Surat Yunus, verset 107. Et Allah dit, ce dont la traduction du sens est, ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir, et ce qu'il retient, il n'est personne à le relâcher après lui. Surat Fatir, verset 2. Et Allah dit, ce dont la traduction du sens est, dit, informez-moi, si le châtiment d'Allah vous vient, que vous vient l'heure, ferez-vous appel à autre que lui si vous êtes véridique? C'est plutôt à lui que vous ferez appel. Puis il dissipera s'il veut l'objet de votre appel et vous oublierez ce que vous lui associez. Surat Al-An'am, verset 40-41. Et Allah dit, selon la traduction du sens est, dit, invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors de lui. Ils ne possèdent ni le moyen de dissiper votre malheur, ni de le détourner. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. Surat Isra, verset 56-57. Et donc il a clarifié, subhanahu wa ta'ala, que ceux qui sont invoqués parmi les anges et les prophètes et autres, donc c'est important qu'on mémorise ces versets-là, hein, pour les frères qui sont pas hofad ou qui ne les ont pas mémorisés, et de savoir les utiliser. Cher, il dit, et donc il a clarifié que ceux qui sont invoqués parmi les anges et les prophètes et autres, ne possède ni le moyen de dissiper le malheur, ni de le détourner. Et si quelqu'un venait à dire, moi j'invoque le shir afin qu'il soit un intercesseur pour moi, cela est du genre de l'invocation des chrétiens à Maryam, et aux rabbins, et aux moines. Tandis que le croyant espère en son Seigneur, et le craint, et l'invoque, lui vouant un culte exclusif. Quant au droit de son shir, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'il invoque Allah pour lui. Et demande à Allah qu'il lui fasse miséricorde. Yatrahim Ali, c'est-à-dire Rahimahullah. Hein? Et car la personne ayant le plus haut statut, regardez les ulama comment ils amènent les choses. Car la personne ayant le plus haut statut, c'est qui? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ses compagnons sont les plus savants au sujet de son affaire et de son statut, et les plus obéissants des gens vers lui. Et il, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais ordonné à qui que ce soit parmi eux, lors de la frayeur et de la peur, de dire « Oh mon maître, oh messager d'Allah !» Et il ne faisait cela ni de son vivant, ni après sa mort. Et c'est la fin de la citation de la parole d'Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Je vous donne la référence, Majmou' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah, volume 27, page 72-88. Et quand il dit volume 27, je pense qu'il fait référence à Majmou' al-Fatawa Bittertib ibn Qasim, qui est en 37 volumes. Je sais qu'un frère ici, là, même moi je n'ai pas cette édition là, hein, je l'avais dans mon mektab à l'époque, mais je l'ai vendu à un frère d'ailleurs qui est ici, à la Kouli Hal. Mais il y a d'autres éditions, je sais qu'elles sont plus condensées, mais l'édition d'Ibn Qasim c'est en 37 volumes. D'accord? Wallahu a'lam, jazakumullahu khairan, wa subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc il se peut qu'on fasse des cours pendant la semaine à la radio, et que vous soyez invité éventuellement chez moi pour suivre les cours. Moi aussi en courant via. Mais ça, le frère qui s'occupe des messages, il revient, il est parti en camping avec les enfants de l'école, avec plusieurs professeurs, alhamdoulilah, ils sont partis au Pays de Galles, d'accord. Donc il revient, Inch'Allah, dimanche soir, donc il sera ici pour envoyer les textes via Twitter et autres, Inch'Allah. Ça qu'on leur fait.